Audiomatique. Thank you. Les électronistes vous présentaient, pour amorcer cette transmission 216 d'audiomatique, le projet anglais Recoil, mené par Alan Wilder, qui a débuté sa carrière au sein du groupe Depeche Mode en 1982. Du CD single pour la pièce Strange Hours, tirée de l'album Liquid, nous entendions la chanson Don't Look Back, qui a été coécrite avec la chanteuse Sonia Madden, qui fait partie de la formation Echo Belly. À certaines étapes de la vie, selon des occurrences favorables ou défavorables, et selon les dispositions émotives d'un certain moment, il arrive qu'on rencontre une œuvre musicale qui reflète l'état d'esprit de celui qui la reçoit. Caution where we were. Caution where we were. Le projet Black Film concluait cette séquence musicale à Audiomatic avec Walk With Me, une pièce exclusive à la compilation Emerging Organism Volume 2, produite par l'étiquette de disque Tympanic Audio. Avant, nous attendions l'artiste Dirk Geiger et sa pièce Twin Flame qui se retrouve sur son album intitulé Elf Morgan. Et on amorçait avec une pièce de Moby, soit Mere Anarchy, tiré de son album « Everything was beautiful and nothing hurt » paru en 2018. À Audiomatic, nous enchaînons, dis-je, maintenant, avec le duo canadien « Death from Above 1979 ». Across and girls and all. Yeah. Continue in your current state. Audiomatique, il s'agissait du groupe québécois Handful of Snowdrops, qui nous arrivera le 30 novembre prochain avec un nouvel album intitulé Noir et duquel nous entendions la chanson A Sound Piece of Advice. Précédemment, nous avions droit au groupe montréalais Surface of Atlantic et la chanson A Long Way Down the Landslide de leur premier album Ephemeral As We Speak. Et pour débuter, le duo torontois Death From Above 1979 nous interprétait la pièce Black History Month de leur premier album You're a Woman, I'm a Machine, lancé en 2004. À Audiomatique, écoutons maintenant HMB. À Audiomatique, c'était une pièce des Chemical Brothers, soit Under Neon Lights, sur laquelle on pouvait entendre la chanteuse Anne Erin Clark, mieux connue sous le nom de Saint Vincent. Cette pièce paraît sur l'album Born in the Echoes des Chemical Brothers, album qui est sorti en 2015. Avant ça, c'était la formation HMB composée de Daniel Meyer et de Victoria Lloyd, respectivement des formations Howjob et Clairvoyant. De l'unique album Industrial Love Affairs, nous entendions la pièce Impulse. Les électronistes concluront cette transmission 216 d'Audiomatique avec le groupe anglais Alt-J et leur chanson Every Other Freckle, parue sur leur deuxième album, This Is All Yours. Visitez nos profils mixcloud.com/audiomatique et facebook.com/audiomatique-CFOU pour accéder aux anciennes transmissions d'Audiomatique. La prochaine, soit la transmission 217, aura lieu en direct mercredi prochain dès 17h, toujours sur les ondes de CFOU 89.1 FM. Voici donc Alt-J et la chanson Every Other Freckle. C'était Audiomatique avec les électronistes. I want to share your mouthful. I want to do all the things your lungs do so well. I'm gonna bat into you like a cat bats into a demon. Turn you inside out and lick you like a crisp packet. Father.